sait pas où il est. Ce qui est sûr, c'est que je vais le buter. Et on attire la foule, et on voit la la la la la la la la la la. Von Sarko et Carla la la la. Pour passer les piliers, comment j'ai plié, avancé sans lâcher un billet. Comment ma ville me craint, comment je suis venu un taulier. Rien à foutre des rumeurs du style qui l'ont cramé. Ils se demandent ce que fout le winner, N-A-2-S. Je winter marqué en Gucci à la Rolex. On confond pas le prier et la pelette. Les concurrents me tournent le dos seulement quand je les prends en levrette. Ils me parlent pas en face, taxe pas intermédiaire. Je les interprète pas, donc oui, tu es né de la pluie d'hier. À chaque rime chuchote quand le reste suffoque. Demande à Sinox, à les PD qui font des marquages à la culotte. Je suis observé par les meilleurs du rap français. Ta mixtape devrait s'appeler Loose, c'est à toi MP3 qui va t'écouter. Yeah, ça c'est cool, tu nègue. Yeah, yeah. Et je te fuck si je détaille. Le reste qui en parle au pire qui change de taille. On a s'aimé, donc il peut m'arrêter. L'avenir est scellé, vous dites l'heure qui vous craignez. On rap pour vrai, on est là pour gagner. Ils sont régnés du rap, on va les éliminer. C'est pas demain que le roi ne va plus régner. Que le roi ne va plus régner. Je vais faire défiler les punchlines à ton coup double. Ils font du coup d'où ils demandent tous un coup.